Another time. Les Gavachos, on est de retour et après une petite semaine de vacances d'interview de la semaine dernière. Et ouais, pas d'invité, personne. Et bah voilà, c'était les vacances. Lolo à Paname et compagnie, mais les Gavachos sont de retour. Et je tiens à dire, effectivement, on doit le dire aussi, monde de merde, parce que ça c'est dans le générique, mais on l'avait pas au début, ça fait rien, monde de merde. Ça va faire plaisir à certains à distance. Voilà les Gavachos, parce qu'on a un assistant avec nous ce soir, puisque effectivement je suis tout seul. On va faire Nando qu'on connaît bien puisque il est venu plusieurs fois nous présenter la Pulperia, son émission aussi, et également pour la spéciale Manu Chao. Il faut le souligner, c'était quand il y a Ça fait 3 mois. Je crois que c'est la 3e fois que j'y viens, ou la 4e. Normalement, j'y viens que parler des histoires politiques et tout ça, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, on va bien rigoler. Ouais, bah carrément, j'espère bien, parce que effectivement, toi, t'étais venu, si c'était dans le cadre des squats, tout le. Ouais, on a parlé de l'Espagne libérée par la cultura, c'est les squats de Sens, et on a parlé aussi de. C'est quoi, du footing contre le Moubine et tout ça, chez moi. Mais j'ai fait plein de choses. Ah, on a parlé de mes bouquins aussi. Ouais, bah, bien sûr, c'est clair. Hein. Merde, j'ai raconté toute ma vie à la France. C'est trop con, ça. Bah ouais, la France, bien sûr, Fernando, puisque c'est. Plus qu'intraplanétaire, sur Jupiter ou Mars, surtout sur Mars. Mais avec toute cette histoire-là, je ne vais jamais rentrer en France. Tu vois, Sarkozy va avoir un gros bouquin sur moi. Hein. Ah ouais, non, mais toi, c'est clair, hein, wanted, hein, Fernando, hein, tu passes pas la frontière. Hein, arrive à Perpignan, t'inquiète pas, ils vont te choper. Puisque t'es avec nous t'es fiché par le gouvernement français les anarchos de Contrabanda. Et oui, Fernando, de la Pulperia, tu vas nous reparler vite fait de ton émission, bien sûr. Ouais, mais c'est le jeudi de 13h30 à Cancer, si vous voulez entendre l'émission en espagnol, pas en français, mais c'est un autre bar particulier, petit bar sympa où on parle, on discute, on papote et on essaye de s'amuser un peu. Et c'est un peu ambiance tapas, parce que souvent vous coupez le sauciflard là derrière. Mais ici il y a toujours de la tortilla, des tapas qui tournent, on boit, on parle, c'est l'après-midi pour rien faire la cuisine, tu vois, l'apéro avant de manger en Espagne. Eh ben ouais, j'espère bien, parce que effectivement on a une putain de belle vue sur la Plaza Real, les palmiers et tout. Ouais. Donc ça vaut le détour de faire une petite pause après l'émission, et comme tu dis, ambiance troquée, écoute, ça tombe bien, chez nous c'est pareil, sauf que bon, on le revendique haut et fort, Cerveza, c'est quoi le sponsor ce soir? Embro. Il faut pas faire la poupe à Contrabanda, c'est interdit. Merde. Mais t'as raison, c'est de la bière de merde, c'est tout. Oui, c'est vrai, carrément. D'ailleurs personne sait ce que c'est, mais on la boit quand même. D'abord passe-moi une bière, c'est tout. Exactement. Attends, où c'est qu'est le stock? On a un assistant également, on a des parigots avec nous en vacances qui sont jamais trop loin et qui vont nous donner un petit coup de main, parce qu'écoute Fernando, on a des invités aujourd'hui. Mais oui, on a carrément des invités. On a des guitaristes, ma foi, des auteurs, compositeurs, interprètes. On aura par exemple, ils vont venir tout à l'heure, tous les deux, d'ici, allez, on va dire une bonne demi-heure. Donc un jeune homme qui s'appelle Alexis, qui vient de Paris aussi, qui joue dans un groupe qui s'appelle De Route en Roots, voilà. Et une autre personne qui vient de loin, attention Fernando, de Nouvelle-Calédonie. On aura Laurent avec nous du groupe Violette, voilà, nous expliquerons un peu leur formation, tout ça. Ils jouent en acoustique, en tout cas, ils sont ici en vacances et ils jouent dans la rue, donc on aura l'occasion d'en parler avec eux de tout ça. Et puis voilà, comme chaque lundi, c'est bien Fernando, on se doit de faire un petit live, Effectivement. Génial. Génial. C'est un cadeau, cette émission. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, ouais, effectivement, la semaine dernière, pas d'émission. On comptait éventuellement sur Goulamaska, groupe phare hein, de la scène ska alternative ska punk, on va dire, du côté de Béziers. Voilà, et puisqu'en plus, il y a un membre de cette formation qui avait une émission française ici dans les 1990, quelque chose comme ça. Ah, le téléphone sonne, on va avoir un léger appel, je sais pas, au niveau de la technique, ou bien on nous censure, on nous dit « Hey, Gabacho !» on arrête ça. Ah bah, hey, je crois que c'est qui est là, Fernando? Dis-nous tout. Ah bah, c'est le direct, hein. Voilà, en plus, on a un vieux téléphone des familles qui tourne à l'ancienne. Ça marche. Allô, y a quelqu'un ? J'entends rien. Il entend rien, c'est énorme. Ah, Fernando, la technique. Allô. Ah, on l'entend très bien, en tout cas. Hein. Allô. Allô. Putain. Ah là, non, mais, t'inquiète pas, Lolo, on va réussir à t'avoir en direct live d'ici peu. Mais on t'entendait. Ah, malheureusement, je sais pas, tu ne recevais pas. Mais j'imagine que ça coupait. Ah, ça peut être coupé. Enfin, en tout cas, s'il nous écoute sur Internet, ça se trouve qu'il peut nous ouais, mais il faut qu'il rappelle et on va le faire passer sur antenne. Ah bah, j'espère bien, parce qu'effectivement, Lolo qui était en vacances du côté des bassins d'Arcachon, dire salut à ses parents et puis dans la foulée à Nicolas Sarkozy, puisqu'il était là-bas également en vacances. Et ouais, c'est une petite louche, hein. Voilà, et puis, Lolo est aussi, enfin, pas spécialement en vacances, mais il travaille sur la tournée d'un ami à nous, que d'ailleurs, écoute, on va écouter, Fernando, avant de passer sur différents thèmes. On parlera festival, des problèmes de répression sur les festivals en France, et on va écouter Alix, le temps que Lolo nous rappelle et qu'on fasse sa technique. Je vais te donner le CD, ça va être la chanson numéro 2, oui, qui s'appelle Mexico. Attends, deux petites secondes. Alix, voilà. C'est un petit compositeur qui habite à Barcelone, j'imagine, il a passé par ici, non? Et alors là, c'était un grand moment. Hein, c'était un grand moment, Alix. Ouais, il a ramené tout son matos, il a fait un show. Ah, ça ressonne. On va voir. Ah, ça y est, ça va marcher. Ouais, si, ça se passe comme ça. Et donc, on parlait que, effectivement, notre ami Vincent, qui est également correspondant chez SoFoot, et on parle de foot, hein, contrabande un petit peu. Ah, il entend rien, il entend toujours rien, c'est énorme. Et donc, allô Lolo, tu nous reçois ? Putain, ils viennent de commenter en plus. ouais, t'inquiète, c'est parti, hein, en direct. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On règle le petit problème technique, on s'écoute Alix ? Allô. Hola. Hola. Tu nous entends, Lolo? J'entends même pas ce qui se passe à l'antenne. Oh là là. Eh ben ça. Alors c'est... là, ça marche? Allô, ouais. Lolo. Ouais. Là, ça marche, non? Ouais, tout va bien. Voilà, c'est réglé. C'est moi, c'est le technicien. C'est pas comme toi. Bien sûr pas. Le petit Fernando, la technique. Comment tu vas, Fernando? Ouais, ça va très bien, mon pote. On est à l'antenne? Oui, on est à l'antenne. Il y a le vieux soldat qui est dans le coin aussi. Ah ben, t'inquiète cousin. En plus, on était en train de parler de toi. C'est assez énorme. Et t'as vu un peu Fernando à la technique, ça gère. T'imagines même pas dans quel merdier moi j'aurais été, puisque j'aurais même pas décroché le combiné du téléphone. Mais bon, t'inquiète. Justement. Ça gère. Bon, comment vous allez tous les deux? Ah bah ça va, hein, effectivement. Êtes tous les deux ou il y a du monde avec vous? Parce que j'ai malheureusement pas. Réussi à vous capter ici sur internet. Ah, bon, bah t'inquiète, puisque effectivement la mailing list c'est parti. On a deux invités ce soir, des guitaristes de formation, tiens, de Paris, justement, un gars qui s'appelle Alexis de Route en Roots. Il a une petite extension de voix, il m'a dit tout à l'heure, mais bon, pas de souci, il va venir faire justement du reggae raga pour toi, Lolo. Et après, un collègue de Nadège, bien sûr, d'accord, de la Carabarna, qui s'appelle Laurent, également, comme toi, d'un groupe qui s'appelle Violette. Et attention, c'est international, il vient de Nouvelle-Calédonie, c'est énorme. Bon, ça devient international, la contrebande, c'est déjà pas mal. on a des bonnes surprises. Écoute, Lolo, on a des bonnes surprises. On a notre ami Seb, qu'on ne présente plus, qui passe là, qui vient on va dire comme Manu Chao, qui était venu avec sa maman. Et ben c'est à l'identique. Faire visiter les locaux, dire salut. Sébastien, est-ce que c'est l'envoyé spécial de SoFoot Magazine qui est dans les studios? Mais bien sûr. D'accord, parce que j'ai reçu effectivement, puisqu'il y a Sébastien qui est maintenant connu à l'échelle planétaire, puisqu'on a reçu tous sur nos adresses mail et personnelles, on a reçu des photos de ce fameux Sébastien en compagnie d'un certain Lilian Thuram, qui est le nouveau joueur, la nouvelle recrue française du FC Barcelone. Et j'ai eu la surprise de recevoir sur ma boîte mail une photo. Alors, je reconnais effectivement le Lyon-Turin, et j'ai reconnu cette peau de couille qui était juste à côté. Et ça m'a fait vachement plaisir de le savoir entre Français, les gabachos qui se retrouvent à Barcelone. Alors, je crois qu'il a été faire un tour du côté de chez Swan, du New Camp. Ah, ça doit être ça. Ouais, t'as raison. Bah, effectivement, hein, tu sais, il n'y a pas de blanche. Hein, il a accès à tout maintenant, hein, notre ami Seb. Il a toujours été VIP. Hein, il s'est toujours démerdé pour rentrer dans les endroits les plus privés. Ouais. Même à Contrabanda, il arrive à rentrer. C'est exceptionnel. Ah, c'est dingue parce que je comprends pas. Hein, la porte était fermée, tout ça. Tu sais, on est un peu cloisonné ici. C'est un peu obscur. C'est un fantôme, c'est pas lui. C'est bon, écoute, Léo, ça se présente bien la petite tournée Alix sur Paris. Parles-en nous un petit peu parce que effectivement, t'es remonté pour ça. Moi, je viens d'arriver à Paris, donc sous la pluie, bien sûr. Hein, on change pas. C'est le temps qu'il fait habituellement toute l'année à Paris. Puisqu'il pleut, il fait un temps dégueulasse. Donc résultat, il n'y a pas de mini-jupe, il n'y a pas de gonzesse. Hein. Ça, ça, c'était juste la petite info, c'est pour toi, cowboy. Hein? Bah ouais, je sais bien, parce qu'effectivement, nous ici, tu sais, on prend une grosse claque en sortant de la maison à chaque fois. Souvent, on oublie même qu'il fait jour, et franchement... mais t'inquiète. Tu m'étonnes. Bah alors, le truc à Paris, c'est que ouais, ça se présente bien, puisque Alix, qui avait eu l'occasion de venir plus d'une fois, je crois qu'il est venu en plus deux fois, une version acoustique, une version en live, c'était tout au début, c'était en mars dernier. Et Alix, il va faire un tour à Paris, donc il va faire quatre concerts de suite. Ça va se passer la semaine prochaine à partir de mardi. D'accord. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, voire même peut-être samedi. Alix, donc, il va faire quatre concerts à Paris dans des endroits qui sont plutôt pas mal ici, plutôt réputés. Ouais, alors, assez mythique. Alors, justement, explique-nous la première date, Lolo. Ça va démarrer où, concrètement? La première date, ça sera le mardi 4 septembre prochain. Ça va être dans un grand bar pop-rock qui s'appelle le Pop Inn, qui est dans le 11e arrondissement, donc à côté de Bastille. Le lendemain, il sera au Café Montmartre. Ça va se passer dans le 18e arrondissement. Le jeudi, il sera au O'Sullivan. Ça sera Boulevard Pigalle. Donc le O'Sullivan, qui est quand même une oh, grande salle de concert et qui est quand même super bien réputée ici à Paris. Tu as trouvé un plan à Pigalle. J'ai trouvé un plan à Pigalle, ouais. Ça me paraissait évident, Lolo, maintenant que t'en parles. Qui traînaient devant et elles m'ont réussi à me trouver un plan pour Pigalle. Et la dernière date, le vendredi soir, ça sera au Truskell. Ça sera dans le 10e arrondissement, près de République. Ah. Et puis, éventuellement, on fera une autre session dans un bar. Ça sera dans le 14e arrondissement. Ça sera près de Montparnasse. Et donc Alix qui devrait être accompagné d'une bassiste qu'il connaît bien, puisque c'est sa nana qui vient d'Argentine. Lui, et donc. Apparemment, ils sont tous les deux sur scène et je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc moi je viens d'arriver sous la pluie, comme je te disais. D'accord. Et ça se présente plutôt pas mal. A priori, ça devrait bien se passer. Donc en fait, tu m'as fait une petite dédicace, quoi, parce que tu le fais jouer vers Montparnasse, le quartier des Bretons, Lolo, merci. C'est cool. Ouais, ah putain, c'est vrai en plus. Attends, j'étais dans un bar breton hier soir quand je suis arrivé à Paris. Oh la vache, j'étais encore complètement. Attends, c'était un truc en pleine de malade. C'est vrai que les Bretons sont des grands malades. Hein. Je crois que c'est la partie de la France qui est la plus malade chez nous. Hein. Breton, vous êtes fort, hein. Vous avez quand même un sacré gros niveau de bibine dans le ventre, vous êtes vraiment exceptionnel. J'ai vu des mecs, franchement, hier, il faut absolument que je t'emmène là-bas, vieux soldat, parce que tu vas voir, tu vas retrouver toute la petite famille. Oh putain, et ça bat des records, hein. Tu sais, il y a toujours ouais, la petite bedaine d'été, la bedaine d'hiver, effectivement, ça s'accumule la bière. Et, À force de traîner avec toi, je commence à l'avoir, la bedaine, hein, vieux soldat. Oh la vache, tu me fais peur. Oh la vache. Bah écoute, Lolo, ça tombe bien parce que justement on parlait de ça et on allait juste avant que tu nous appelles passer le disque notre ami Alix dans le répertoire pop rock à l'anglaise pour un Français qui habite Allô à Barcelone. C'est énorme. Allô. Ah, tu nous reçois. Allô, mais t'es toujours là, Lolo. Ouais, je suis là, mais des fois ça coupe, c'est pour ça que j'entends pas bien, mais je suis là, tout va bien. Donc le répertoire à l'anglaise, ouais. Ouais, bah écoute, justement, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la chanson. Lolo, t'as d'autres petites infos? Dis-nous un peu l'ambiance sur Paname, là. Tu dis qu'il pleut, mais bon. Bah Paname, écoute, moi je suis arrivé juste hier soir, après un court passage dans le sud-ouest. En France, derrière les frontières, il fait pas très très beau, je dois bien vous avouer que c'est pas génial. Et pourtant, on est en plein mois d'août. Alors, on avait beaucoup parlé dans les émissions de Contrabanda, chez nous, les Gabachos, et puis dans une émission qui est quand même aussi très connue à l'échelle planétaire qui s'appelle La Pulperia, qui a lieu le jeudi avec notre ami Fernando qui a la technique ce soir et qu'on salue bien bas. Chapeau bas. On avait beaucoup parlé de la vague de chaleur en France qui avait fait très peur aux politiques, machin, etc. Bah ici, figure-toi qu'il fait un froid de canard, que c'est quasi l'hiver, qu'il pleut et qu'il se passe malheureusement pas grand-chose dans les rues puisque ça s'appelle la France et que maintenant la répression policière est de plus en plus importante. Donc les jeunes ne sortent pas, ils regardent la télé, ils consomment. c'est un peu la logique de ce qu'on appelle la démocratie. Oh, et tu vas nous faire pleurer. Pardon ? Et tu vas nous faire pleurer, quoi. Non, mais tu sais que malheureusement, voilà, on est beaucoup à s'être expatriés de l'autre côté des frontières. Et je pense qu'il y a une explication à tout ça, c'est que malheureusement, bah, il fait pas forcément très bon vivre ici en France. Et j'ai eu l'occasion de le vérifier dans le sud-ouest à Bordeaux. Puisque, voilà, à Bordeaux, il y a quand même des stations balnéaires qui sont plutôt réputées. Il y avait plein de choses à faire et puis, bah, il se passait pas grand chose. Et puis là, à Paris, bah, il se passe tout simplement rien du tout. Donc, on attend Alix pour ses concerts et puis on fera la fête tous ensemble. Ah, c'est avec énorme. Nos amis catalans qui vont nous faire le plaisir de monter. Puis j'espère que ça va être la même chose de ton côté. Bah, ouais, hein, faut voir, hein. Tout est possible. De retour de vacances, je sais pas trop où je vais me barrer. Et d'ailleurs, justement, logiquement, il y aura pas d'émission la semaine prochaine. Bon, bah, c'est comme ça. Et bien, on reprendra dès qu'on peut, hein. On peut en faire des best-of, hein. Bon, on mettra une petite rediffusion à la cool. Ce que je voulais dire, Lolo, justement, c'est que, écoute, on est invité à Paris, hein, dans une émission qui s'appelle Constroy. Ouais. Je les rencontre mercredi. Eh ben écoute, ils ont envoyé à toute la mailing list des émissions dans le style française et internationale, puisqu'on en fait partie de Catalogne. Et apparemment, ils réservent une heure d'émission à tous leurs collègues de l'Hexagone et autres. Donc pourquoi pas passer un peu du son, faire les cons sur Paname à l'antenne, ça et pourrait le faire. Pas. Et d'ailleurs, la nouveauté, c'est que c'est une émission catalane. Donc, ce sont des Catalans qui résident à Paris et qui font une émission en catalan ici à Paname. Donc, j'ai bien envie de te voir parler en catalan, Lolo. Ah, ça va me faire marrer. Écoute, Lolo, ça doit faire deux émissions parce que c'est pas la même. Moi, je te parle de Constroy, vraiment l'émission Anarcho-Clepon de Paname qui fait un live. Ouais, exact. C'est vrai. Si, j'en ai entendu parler. Je confonds avec effectivement une autre station de radio. C'est une locale, une radio alternative ici à Paris qui fait une émission en catalan. Et il y a effectivement une autre radio où il y a une émission anarcho-punk, etc. qui avait proposé aussi ses services en ce qui nous concerne. Bah c'est cool. ABR. ABR. Allô ? Allô, on est toujours là. Ouais. Bon, tout va bien alors. Carrément. Bon bah écoute Lolo, merci pour toutes tes infos. Tu reviens quand dans le secteur ici là exactement ? Écoute, a priori, ça devrait être aux alentours du 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah d'accord, bon, ça a l'air précis tout ça. Bon, bah, en ça tout cas, précis, on va voir tes dreads se promener dans le secteur là, qui vont tremper dans la fontaine Plaza Real. Ouais. Et puis, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut mieux faire que d'écouter Alix tout de suite ? D'accord, et bon, c'est comme ça que ça va se terminer. Alors, je vous embrasse tous les deux et puis bah merci de votre émission parce qu'elle cartonne. Ah bah tiens, c'est rentré droit au cœur de notre ami Fernando qui fait partie aussi des meubles quand on parle des Los Gabachos quelque part. Bon, c'est péjoratif pour lui si on le traite de Gabachos, mais t'inquiète, il est toujours parmi nous. C'est un vrai Gabachos. Ouais. Au moins de la République indépendante de Contrabanda, oui, je suis un Gabacho. Ouais. Bon, les gars, je branche le www.contrabanda.org et puis j'irai jusqu'à 11h30 alors. Bah, c'est de la balle. Bah, écoute, bon live pour toi, profites-en bien, comme tous nos auditeurs qui nous écoutent, on le sait bien. D'accord. Et c'est parti, les premiers lives, première chanson, Mexico, Alix, c'est parti, c'est tout de suite. À très bientôt, Lolo. Ciao, les gars. Allez, bonne soirée. Spécial boulot pour toi. Forza Bata. Option A, it's Mexico. Option B, I'm full of C. Option C, a hotel room. Option D, it's you and me. I sold myself for a piece of furniture. What difference could this make? I lost myself looking for faces I already knew. Into a drop of alcohol. It was over much too quickly. optionless, thriving, option dust, losing, option thirst, compatible, option trust, always comes first. I heard myself saying, what an idiot, I could have ignored it. Contrabanda FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Hey, alors ça c'est énorme, on l'avait pas mis encore. Effectivement, les petits jingles qu'il y a dans l'ordi, oui. Ça fait toujours plaisir. Hein. Merci Fernando pour ce côté technique supplémentaire qu'on n'avait pas encore expérimenté, ma foi. C'est sympathique. Et voilà, bah écoute, on va partir sur un autre thème, Fernando, après effectivement d'avoir fait, ovation à Alix, un autre collègue d'ici, effectivement, qui monte à la capitale, inconnu en France, plus ou moins. Enfin, il avait déjà joué au Triskel à Paris. Et là, on a des collègues parisiens qui sont avec nous qui disaient, ah, ils écoutaient un peu la prog de Lorenzo. Ça va envoyer du gros parce que les lieux, effectivement, choisis par notre tourneur parisien, Lorenzo de la Carabarna, et ben effectivement, qui donne un sacré tout de main à Vincent, et ben ça va donner parce que les lieux, c'est des références assez mythiques à Paris. Moi, je connais pas trop bien, mais c'est qu'Épigral, c'est un endroit sympa, non? Ouais, comme... ouais. il y a tout, t'inquiète. C'est quoi? C'est le café Montmartre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et le Popine et compagnie. Donc voilà, bah écoute, on va parler musique, on va parler France, on va parler festival, mon cher Fernando. Et pour parler festival, malheureusement, on va parler répression parce que là, il fallait absolument en parler de ce qui se passe en France et du côté de la région PACA et exclusivement dans le Haut Var, du côté de Montferrat, avec des collègues qui organisent depuis 7 ans un festival. Donc les gars d'un groupe qui s'appelle De La Colline, qu'on écoutera juste après, qui se sont mobilisés autour de chez eux pour faire un festival, qui a été complètement saboté cette année par les forces de l'ordre. Alors attention, là, il y a une sacrée grande liste, on va en parler assez longuement. Pour après revenir aussi sur l'organisation de festivals en Bretagne qui ont des problèmes. Donc effectivement, le Festival des Collines, donc depuis 7 ans, voilà, ils font leur une putain de programmation qui dure 3 jours avec des groupes émergents, la scène locale, des références, des groupes qui percent après, qui deviennent des têtes d'affiche et compagnie. Donc voilà, jusqu'à présent, il n'y avait aucun incident de déplorer. Mais voilà, donc après 6 éditions, ils sont passés donc de quelques centaines de personnes à 4500 festivaliers. Donc effectivement, ils font bouger leur secteur. Ils arrivent à 150 bénévoles. Donc c'est une asso qui s'appelle Contact Sud Musique, Fernando, qui organise ce festival. Donc voilà, ils avaient négocié avec les forces de l'ordre une fluidité de circulation, surveillance incendie, bien sûr. Voilà, que tout se passe bien au niveau de la circulation. Et donc ce festival qui bouge d'année en année, donc avait lieu cette année à Mazog. dans le Haut-Var. Et voilà, donc il y a eu un dispositif hors de proportion de la part des forces de l'ordre. Donc il y a un hélicoptère, 70 agents, deux motos tout-terrain, des chiens anti-émeutes, des chiens anti-stupéfiants, des gendarmes civils à l'intérieur du site. Et bien sûr des douaniers, bien sûr avec des clébards également. Voilà, donc c'est un dispositif qui a été imposé par chantage. Voilà, on leur a dit vous acceptez ou on annule. Voilà, ceci dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces 70 gendarmes, bon, en plus d'avoir un petit coup d'œil, de voir comment ça se passe et de pas trop intervenir quand il n'y a pas besoin, bien sûr. Donc, ils ont fait un harcèlement systématique des festivaliers. C'est-à-dire que donc un certain lieutenant Chopard, responsable des forces de l'ordre là-bas, a fait le nécessaire pour saboter tout ça. Donc, alors la liste est longue. Hein. Donc, apparemment, toutes les routes qui permettaient l'accès au festival ont été fermées par des barrages lourds jusqu'à Aubagne. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à des gens par là-bas. Bref, ça s'étendait très loin autour du festival. Tous les véhicules ont été systématiquement arrêtés et fouillés. Voilà, ils ont justement, ils devaient faire une circulation fluide, mais ils ont paralysé la circulation. Et voilà, il y en a même qui ont été accueillis armes à la main. Il y a eu des fouilles au corps et certaines à nu également. Voilà, et des fouilles qui n'ont pas été faites à l'intérieur de camions de gendarmerie, mais à l'extérieur et parfois publiquement. Voilà. Mais attends, tu attends de parler des G8, un festival dans le sud de la France. Non, mais t'hallucines. Bon, tu sais bien que par là-bas, c'est assez fasciste et la culture, ils s'en foutent. Et ben voilà, ben là ils ont complètement fait les oufs. Il y a même juste qu'une jeune fille qui a été fouillée à nu à l'écart de véhicule dans la forêt, dans le noir, après avoir été isolée des amis qui l'accompagnaient. Donc il y a eu des festivaliers qui ont été choqués, qui tremblaient de peur et d'émotion aux caisses, des insultes sexistes et homophobes, des attitudes de mépris, de provocation, des doigts d'honneur, des ricanements, des sarcasmes, comme ils disent. Et il y a une note de presse là-dessus, hein. Ça tourne sur internet. Donc des perquisitions dans les véhicules avec des chiens. Il y en a même qui se sont retrouvés avec des boulettes de Toshi qui leur appartenaient pas. On les a intimidés pour leur dire que c'était à eux. Voilà. Même des instruments de musiciens, des claves qui étaient programmés, hein, des musiciens programmés du festival qui ont été saisis en tant que armes contendantes, comme ils disent. Quelqu'un qui a été pris, au contrôle à alcotest négatif 0,22. Et voilà, il était contraint de retourner à pied à son véhicule à 3 bornes d'où il était. Génial. Voilà, il y a même un habitant du village qu'on lui a saisi sa pioche et sa pelle. T'imagines le paysan du quartier. Non, mais plein de détails. Voilà, des personnes qui ont été verbalisées, bon, parce que des petits défauts de ceinture, des infractions mineures. Ils ont fait aussi le tour de l'état de tous les véhicules, bien sûr, pour voir si tout était en règle. Voilà, donc le staff a été menacé de fouille aussi. Voilà, donc vu que voilà, il y avait une tension énorme, bah, effectivement, les gens y communiquent et le festival, il y a eu quasiment personne. 112 000 euros de déficit, autant dire que c'est fini. Voilà, donc les gendarmes qui arrêtaient les voitures devant l'entrée du festival, ils prétendaient avoir trouvé aussi de la cocaïne, mais en fait, on n'a rien montré aux organisateurs, donc tout ça, que du pipeau. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça ressemblait indéniablement à une action de répression systématique, voilà, comme ils disent, ayant pour but de décourager les festivaliers et de saboter la manifestation. Donc moins de 500 personnes au lieu de 800, attendu le premier jour, 550 au lieu de 1800 le deuxième jour. Donc le troisième jour, ils ont dit on arrête le délire, pas de festival, donc un déficit énorme. Et voilà, donc il n'y a pas eu de festival in, ils ont quand même fait un festival off le samedi. Et donc voilà, des libertés fondamentales qui ont été violées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y avait une rave party juste à côté qui a eu aucun problème. Non mais ça c'est hallucinant quoi. Ouais non mais il y a rien eu. Il y a eu à quelques kilomètres, ils sont même pas allés les voir. Donc c'est incroyable. Donc voilà, donc ça on parle par rapport au sud, Fernando. Là je vais te parler un petit peu de ce qui s'est passé aussi à Loudéac dans les Côtes d'Armor chez moi. Non mais tu me fais peur vraiment, non, mais ça tu fait vois peur. De la chair de poule et tout, ouais, j'entends mais... ça parce que je ne savais pas du tout, je croyais que... C'est dingue, voilà, c'est dingue. Bon, écoute, prochainement on organise un festival du côté de Saint-Brieuc, un truc alternatif. Moi j'ai pas envoyé ce mail-là à mes collègues pour les faire flipper parce que sinon on se dit bon on arrête tout, hein. À quoi ça sert de s'investir pour la culture quand après t'as des problèmes alors que tu veux faire bouger les choses autour de chez toi? Non mais c'est hallucinant quoi, tu vois. Non mais quand en Italie ils sont en train de réprimer la culture et la culture des bases, c'est qu'il y avait vraiment des problèmes, non? S'ils croient qu'un instrument de musique c'est une arme chargée en contre du système. Les paroles plus sont des armes. Je me rappelle avec Manu Chao, on avait parlé un peu de ça, il disait c'est pas l'instrument qui les fait peur, c'est les micros. Et ouais. Le micro, non, que c'est une arme de communication très puissante. Mais il y a des pressions. La preuve, c'est qu'on veut pas que les musiciens arrivent avec leurs instruments pour pouvoir jouer tout simplement, vu que, comme on a pu le voir, bah, le troisième jour, il n'y en a pas eu. Et là, alors là, c'est pas mal aussi. Hein. Donc ça s'est passé exactement. Ça, c'est un article du West France, donc journal local de Bretagne. Donc c'était au 14 juin 2006. Donc ça date d'il y a pas longtemps hein, quand même. Donc voilà, donc il y avait des grandes soirées reggae qui avaient lieu, petites dédicaces à Lolo, des trucs énormes, hein, 5000 personnes dans des grands complexes avec des programmations de ouf, hein, toute la scène jamaïcaine résidant en Angleterre et compagnie. Donc voilà, donc apparemment c'est en question de sécurité, donc le maire veut plus qu'il y ait de concert au hall de l'hippodrome. La société Opus Production a dit nous on arrête les frais, voilà, ça sert plus à rien quoi. Voilà, donc parce que soi-disant que c'était un spectacle de désolation, des canettes brisées, des détritus, d'éjections, circulation de chiens de première et deuxième catégorie sans muselière, dégradation sur le château d'eau comme ils disent, enfin bref, des feux, des pauvres petits feux allumés, tout ça, voilà, ben bah, quand il y a du monde et que ça bouge et qu'on fait parler d'une ville, forcément il se passe des choses à l'extérieur et ce qu'ils peuvent pas comprendre, c'est que les organisateurs sur la voie publique, c'est pas leur rôle, c'est le rôle des villes. Et quand les villes veulent pas prendre les choses en charge, voilà, bah il se passe qu'ils en veulent plus et voilà, ils veulent plus accueillir d'activités culturelles qui rassemblent des personnes irrespectueuses. Enfin, comment dire, ces scènes effectivement de désolation. On en revient aussi au free party. Bon, c'est vrai que c'est encore plus pire. C'est hallucinant, hein, c'est hallucinant. Parce que effectivement, la voie publique appartient à tout le monde. Et s'il y a des problèmes, voilà, bon, effectivement, il y en a toujours qui font les cons. Mais priver 5000 adeptes de musique reggae, c'est quand même dommage. Surtout que il y a une scène pour ça en Bretagne. Et voilà. Donc tu vois, tu te rends compte, Fernando, qu'ils ont même fait. Donc c'est les gens hein, là-bas, hein, des industriels, des artisans de la ville, une ville de, on va dire, 10 000 habitants. Donc on fait circuler une pétition. Voilà, contre la fête, adressée à la mairie, et il y avait même des industriels, l'un d'eux qui menaçait de quitter la ville si la soirée est programmée. Non mais t'hallucines, oh, là, les pressions, moi je me casse avec mon entreprise, tout ça. Mais c'est de quoi ils sont peurs, de la jeunesse? Ah ouais, non mais complètement, on est gouverné par des gens. C'est pas quoi. Voilà, donc bah, dans ces conditions, effectivement, bah, les organisateurs, ils lâchent l'éponge. Et comme ils disent, ce qui les gêne, c'est que s'il s'agissait de concerts de variété française, il n'y aurait aucun problème. Et tu vois, des concerts de variété française avec du bordel dehors, on le voit partout. Et effectivement, bah, ça fait partie du jeu. Donc voilà, bah, écoute, tu vois, en Bretagne, dans le sud de la France et apparemment ailleurs hein, aussi en France. Hein, donc c'est partout. C'est un peu partout. Bon, c'est pas une généralité, loin de là. Mais ça soulignait quand même que bon, bah, c'est de plus en plus compliqué tout ça. Donc bah écoute, Fernando, on a débattu un petit peu là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as vu des choses un peu à l'identique autour de chez toi en Espagne? Je sais pas, cet été je suis allé dans un festival magnifique dans les Pyrénées, des Pyrénées Sud, c'est un festival de musique du monde hallucinant. Ça se passe sur un lac, c'est pas un lac naturel, c'est un, pour faire de l'électricité, un grand lac. Et voilà, il y avait la police, mais tout le monde campait libre sur la montagne, tout le monde était à poil en train d'énerger. Tranquille, ah t'étais à poil toi tranquille, aussi, mais ouais, Fernando. J'aime bien. Ah mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je t'ai vu à la Barceloneta, là, un bain de minuit, te promener à poil, à courir en ouais, panique. Mais c'était l'effet de l'alcool, et parce que j'ai retrouvé pas mes habits après. Oh là là, t'as perdu tes fringues. Ouais, j'ai passé une demi-heure, enfin je les ai retrouvés, mais bon, c'est voilà, j'ai montré mon sissi à toute la Barceloneta pendant presque une heure. Ah ouais. Ah mais ça fait rien. Oh là là, t'as failli te faire embarquer pour exhibitionnisme, Fernando là. Non mais. Ah, tu voilà. Me fais peur. Je viendrai te chercher au poste hein, si t'embarques. Mais t'étais là avec moi. Hein. Ouais. Moi aussi, bon bah effectivement j'ai. En plus c'était ton anniversaire. Bon, on reparle pas de ça. C'était sympa. Donc bah écoute, Fernando, on va écouter justement le deuxième titre de l'album de La Colline, qui était venu tourner en Bretagne également. Et qui s'appelle Apprentice Capitaliste. Voilà. Escapitaliste. Voilà, Escapitaliste, petit jeu de mots. Et franchement, ça pète. Bon, le groupe n'existe plus, malheureusement, mais de par chez eux et même ailleurs, franchement, ils ont bien tourné, ils sont fait voilà, plaisir. C'est pour eux. Ouais, on peut faire pour organiser un festival, que ça merdait, et voilà. Parce que ils faut pas arrêter, ils vont jamais nous arrêter si on peut pas faire des choses d'une façon légale, mais on peut les faire d'une façon illégale, comme ces radios là, que c'est une radio livrée et pirate. Livrée! Bon, dédicace à De La Colline, parce que ce sont eux les organisateurs de ce festival qui a eu des problèmes, ils avaient monté justement leur festival pour pouvoir, avoir des dates pour leur intermittence, tu vois, c'est des gens qui se bougeaient. Et bah là c'est fini hein. Pour moi, je pense que là c'est mort. Dommage. De la colline. Let's go. Allez, vive le ska. L'odeur de l'argent, l'odeur du sang, l'odeur de la mort, l'odeur de l'argent. apprendre ses cartes et d'aller les respecter, ceux qui se disent. C'est toujours les pauvres qui ont bien de l'écouler et qui s'enlèvent. Et c'est toujours les pauvres qui ont bien de l'écouler et qui s'enlèvent. C'est toujours les pauvres qui ont bien de l'écouler et qui s'enlèvent. Et c'est toujours les pauvres qui ont bien de l'écouler et qui s'enlèvent. Apprendre ses capitalistes. Apprendre ses capitalistes. Apprendre ses capitalistes. As-tu idée pourquoi tu existes? Apprendre ses capitalistes. Il est temps d'être réaliste. Apprendre ses capitalistes. Et respecter ceux qui se disent. Oui, j'aurais des routes de partager. Apprendre capitaliste, apprendre capitaliste, apprendre capitaliste. As-tu idée pourquoi t'existes? Apprendre capitaliste. Il est temps d'être réaliste. Apprendre capitaliste. Et respecter ceux qui se disent. Le pognon nouvelle religion, le profit nouvelle prophétie. Pognon nouvelle religion, le profit nouvelle prophétie. FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Yeah, contrabanda, les gabachos sont là. Contrabanda. Eh ouais, bah ouais, les gabachos. Ouais. Si vous voulez nous envoyer des petits mails sympas, des conneries, des thèmes particuliers que vous voulez qu'on parle, je sais pas, une chanson que vous aimez bien, bah pas de souci quoi. Notre adresse mail c'est gabachosbanda@hotmail.com et on se fera un plaisir, voilà, bah de parler de vos choix et compagnie, pas de souci. Vous pouvez appeler aussi à la radio. Dis-nous le numéro de la radio. Ouais, c'est que très facile, il faut composer le 83, c'est le préfixe de Barcelone, 0034 si vous appelez depuis la France, non? Ah non, non, exactement. Ouais, 0034 93 317 73 66. Ah là là, hey, putain. Quel accent, Fernando, tu m'impressionnes, hein, tout le monde te comprend à l'antenne, c'est génial. Ouais, mais... Donc voilà, on a écouté De La Colline, on va revenir, on attend toujours, comment dire, nos artistes musiciens, que voilà, on a envoyé du monde les chercher à La Fontaine, pour une fois que j'y vais pas d'ailleurs. Enfin, ça m'évitera de monter combien d'étages? 4 étages. 4 étages. C'est énorme. Mais tu fais l'espoir à chaque émission, hein, tu vois toujours en train de. Moi, je descends un peu. Je reviens. Écoute, j'évacue la bière, je transpire comme un fou. ça gère. Donc... Oui, ça sent. Hein, il fait chaud dans les studios de Contrabanda. Ouh, dans les studios. Alors, tu fais bien d'en parler parce que là, ça c'est une nouveauté. Ils ont repeint le studio, Fernando. Ouais, c'est en couleur magnifique. Il y a quelqu'un qui vient de travailler cet été. Alors, comme nous, qu'on a fait que voir. Ah, c'est dingue. Alors, c'est, ouais, t'as raison. Donc, c'est à moitié quoi? À moitié violet, bleu. On se croirait dans une piscine là-dedans, justement, avec toute la sueur, là, qui coule. Et ça change un petit peu, ouais. Et franchement, c'est incroyable, hein. Contrabanda, on a de la chance d'être là, Fernando. Ouais, c'est génial. Sur la place Réale, en plein centre-ville de Barcelone, un espace à libérer dans les sondes. Alors, la musique. Et c'est vrai, alors parce que ça c'est dingue. Il y a quand même des on va parler un petit peu de la place. Il y a effectivement Contrabanda qui a un local absolument gigantesque en plein centre de Barcelone. Alors quand on parle de spéculation immobilière, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent encore là, Contrabanda? Ouais, ben ça fait 15 ans qu'ils sont là, donc forcément les loyers c'est pas très cher et voilà, ça continue. tant qu'on n'est pas expulsé, faut le dire ça comme ça parce que c'est Radio Libre ici, on dit ce qu'on veut un peu. C'est à la cool. Qu'est-ce qu'il y a autrement dans la place? Alors, et juste à côté, il y a le Pipa Club. Bon, sympathique, mais bon, ils ont un peu augmenté leur bière, alors que c'était le temple du jazz, il y a quoi, il y a une dizaine d'années? Ouais, c'était justement ça. Il y avait une super programmation, c'était énorme. Et qu'est-ce qu'on a à côté? On a le temple Krishna. Non, mais c'est vrai, le temple Krishna, hein, il y a moyen de bouffer pas trop cher, aller prier, poser des sandales devant l'entrée, là. Il y en a qui jouent de la flûte et tout, enfin c'est assez. Mais à un moment c'était vraiment populaire la place Réale, tu vois, il y avait des artistes aussi qui habitaient là. Il y a un artiste très connu, un dessinateur de comics des années 70 qui s'appelle Nazario, qui c'est un mythe de la culture alternative à Barcelone, il habitait là Et je crois que ça, je sais pas s'il est parti ou il était en train de partir parce que voilà, on le faisait partir de chez lui et tout ça. Ah là là. Il avait vécu toute sa vie là, c'était un personnage de quartier, non? Non, mais c'est clair, hein, il y a eu des peintres, des célèbres luthiers aussi dans le secteur. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours des boîtes sympathiques quand même, hein, pour écouter du rock juste à côté. Et puis du flamenco ou des putains de jam sessions. On reviendra tout à l'heure sur la programmation concert. Mais le plus bel de la place Réal, c'est la vie dans la rue. Carrément. C'est les gens qui sont là dans la rue, assis sur la fontaine, jusqu'à que les forces de l'ordre, ils arrivent et ils s'arrosent ouais. tout. Mais t'as raison, parce que cette année, ils viennent nettoyer 4 fois la fontaine pour évacuer tout le monde. Je sais pas, peut-être. Si, si. Une fontaine, c'est plein d'eau, il faut la nettoyer en plus, tu vois. C'est... Ils te disent que c'est parce que c'est crade, c'est moche et tout ça, mais écoute-moi, c'est... Ah, c'est marrant. C'est clair que c'est pour faire partir les gens, c'est juste pour ça. Hein. Il y a aucune autre raison. 4 fois, et c'est toujours le même petit vieux, là, qui a bientôt 70 balais, là, la Barceloneta, qui est là avec son geste, c'est incroyable, parce que l'autre jour, il était en train d'asperger même les keufs. Ah, franchement, et même eux, ils se marraient, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Même le keuf? Ouais, ouais, ouais. Oh, bah, ça, ah, c'est... si, si, si. Ouais, il avait les chaussures, quoi. Non, mais ça va, hein, tranquille, c'était marrant. Et donc, voilà, effectivement, la Plaza Real à La Fontaine, lieu de rencontre pour les charmantes demoiselles également, lieu de divagation de tout ce qu'on veut, des marchands de bière, des dealers. De... Enfin, c'est la Caillée, quoi. La Caillée. Ouais, c'est la route de Barcelone. Alors, qui encore, là... c'est un peu vivant, pas pour longtemps, je crois, mais encore, on arrive à trouver des petits espaces, non? Ouais. Et apparemment, il y a quoi? Il y a petit à petit. Une bonne dizaine d'années, c'était le Y. Ah, ouais, c'était ouais. le White tous les soirs, ici, un truc de malade, quoi. C'était plein de punk partout, apparemment. Mais moi, on avait coupé à cette époque, malheureusement. Quel dommage, Fernando, mais bon. Mais bon, il y a encore les... Ouais, les... on va pas dire que les meilleurs sont là, mais il y a toujours du bon figurant dans la Caillée. Bah écoute, on va partir pour un live. Oui. D'ici peu, parce que là, on a un de nos invités qui est avec nous. C'est Alexis, c'est bien ça, Alexis. Tu peux rentrer, Alexis, bah, tu peux t'asseoir. Mets-toi à l'aise, je vois qu'il a déjà commencé à se mettre à l'aise dans le studio, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a le micro avec toi. Écoute, tu nous viens de Paris, hein, c'est bien ça? Ouais, à côté de Paris, proche banlieue. D'accord. Il faut que tu parles un peu plus au micro, sinon jamais personne va t'entendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Dis bonjour au micro. Bonjour le micro. Carrément, donc alors, on a Alexis qui nous vient d'un groupe qui s'appelle De Route en Roots. C'est bien ça. Exactement, ouais. Donc alors explique-nous un peu le style, ça me fait penser un peu du reggae cette histoire. Bah, à la base, effectivement, ouais, c'est entièrement du reggae un peu ska, un peu... on a beaucoup de références au niveau du reggae français, je sais pas si vous avez entendu parler de Raspigaus, K2R, tout ce type de musiciens qui relancent le reggae en France. Ouais, carrément. Et oui, mais moi, je connais les Raspigaus. Raspigaus, c'est... Marseille, la c'est ville génial, du soleil. Raspigaus, c'est... Ouais. Voilà, donc on s'inspire de ça pour faire nos propres musiques. Bon, c'est le début, mais on sait jamais, quoi. Ah ben bah ouais, on sait jamais. Il faut y croire. En tout cas, ouais, tu nous fais de la guitare, tes propres compos à toi. En fait, à la base, je suis bassiste, mais je suis bassiste en vacances, donc sans ampli. J'ai juste emmené la petite gratte sèche, histoire de pas perdre la main, mais je suis pas du tout guitariste à la base. Non, mais ça va, tu t'attends un petit peu quand même, bien sûr. On s'amuse. Bah écoute, c'est clair, puisque justement, ici, tout le monde est bienvenu, hein, les Français parisiens en vacances. Par exemple, qui viennent avec leur gratte essayer de jouer dans la rue, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple, t'as pas eu de problème pour jouer, non? Moi, non, bah en fait, j'ai fait quelques rencontres de personnes qui ont eu, eux, des problèmes, ça m'a rapidement calmé. Tu fais référence à qui? Axel, je sais pas si tu avais rencontré Axel récemment au Mariachi. Lui, il s'est fait piquer sa guitare par les Mossos pour avoir simplement voulu jouer dans la rue. Ah bah oui, bah bien sûr, voilà. Parce que les lois, on en a reparlé, elles ont bien changé. Alors, qu'est-ce qu'on a pu en parler de ça dans notre émission? Alors là, un scoop également. Hein. Le groupe référence de la rue, qui s'appelle les Batoukiros de la Caillée, qu'on a eu l'occasion de recevoir 2 fois ici. Hein. Une première fois pour la deuxième, je crois, la deuxième de notre émission. Et après, ils étaient venus à la soirée Porte Ouverte. On avait fait Porte Ouverte, Los Gabachos, qui vient, qui veut. Et ils nous avaient fait la surprise de débarquer à la fin. C'était bien cool. Et ben, c'est célèbre, parce qu'il faut dire qu'ils sont célèbres. Hein. Tout le monde les connaît dans la rue. Ils jouent en bas de la Rambla et un petit peu ailleurs, du côté de la Boquerie également. Et ben, ils se sont fait tirer tout leur matos par les Mossos la semaine dernière à Gracia. Je les ai vus jouer hier soir. Gracia. Ah ben bah, écoute, ils ont dû récupérer leur matos, mais ouais. C'est clair, ça date des fêtes de Gracia. En plus, ils jouaient pas hein, quand ils sont venus leur embarquer tout leur matos. Hein. Ils jouaient pas, ils avaient joué un petit peu avant, ils avaient bougé. Voilà, ils sont arrivés, ils ont embarqué apparemment tout, la basse, la guitare. C'est les gars qui vivent dans le squat là. Ouais, du côté de Raval. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Enfin, certaines personnes. Ils jouaient hier soir, c'était. Génial. Ah bah écoute, bah justement, hein, tu sais, quand on est musicien, j'imagine que la guitare de sa vie, on va pas la laisser en tôle. Et bah faut débourser. Parce qu'en plus, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie parce que souvent, l'amende vaut plus cher que le prix de l'instrument. C'est quand même incroyable. Eh ouais, mais bon, quand t'adores ta guitare ou ton instrument, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la récupérer, tu la laisses pas. Ouais, mais on parlait de la répression dans les festivals en France. Ici, c'est une façon de vivre, c'est jouer dans la rue, c'est un travail comme un autre, voilà, plus libre qu'un autre, non? Parce que tu n'as pas des horaires, c'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui travailles quand tu veux. Et peut-être que ça les fait peur aussi, non? Qu'on peut réussir à vivre sans rentrer dans la machine, non? Eh ouais, bah tu sais, le côté illégal à Barcelone fout bien le camp de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a pu en parler de ça aussi depuis un an? Ça a beaucoup changé, que ce soit pour les musiciens de la rue, les graffeurs, parce que on se rend compte qu'il y avait des putains de belles fresques qui ont été recouvertes, bah pareil, hein, comme notre studio, repeintes comme ça de couleurs uniformes. Ça fait flipper, hein, les taggers, les skaters, tout le monde a des problèmes, mais bon, ils arriveront pas à nous avoir. Non. Ils n'arriveront pas. Il y a un groupe français que j'aime bien qui s'appelle La Roue qui est à nous, non? Et ça continuera à être à nous toujours. Ouais, bah justement, ça rend nostalgique un peu. Ouais, c'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Exactement. Bon, Alexis, parle-nous un peu de ta formation. Vous jouez, faites des concerts en Panama? Ça fait un an qu'on joue ensemble. Donc, comme je te disais, c'est vraiment le début. On arrive à un petit set qui fait 45 minutes. 7 compos, une reprise de Raspigaou justement. C'est laquelle? C'est Vitrolle, bien sûr, c'est Vitrolle. Contre la répression fasciste de par chez eux. On en a parlé, hein, parce que c'est exactement le même secteur, Orange, Vitrolle, Montferrat, Draguignan et compagnie, et c'est pas si simple pour eux de vivre. Pourtant, quelle belle région, quoi. Alors explique-nous, Alexis, t'as amené ta guitare, j'espère? Ouais, j'ai amené la guitare. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai un peu la voix cassée, je sais pas si je vais pouvoir un peu chanter, t'inquiète pas. Ouais, on va voir ça. Mais ça, c'est les vacances à Barcelone, hein, que ça devient dur, il fait froid ici, donc la voix, forcément, ça souffre. On dort pas beaucoup. Ouais, bah, parce que Lolo nous a dit, il fait un temps pourri à Paname, mais à Barcelone, des putains d'orages dans la gueule, il y a moyen de choper la crève. Il y a eu du glavio de lâcher dans la rue, et tout le monde est un peu cassé, quoi. Mais voilà, même pour l'antenne, on boit un peu de bière et tout de suite ouais, ça va mieux. Ouais, mais ça donne à l'air plus, c'est pas plus radiophonique, non, avoir un bois comme ça cassé. T'as raison. Bon, Alexis, ouais. Ta petite gratte, on va t'écouter. Enfin, alors explique-nous tes influences. Tu nous as parlé de Raspigaus, K2R Idim. La scène pour toi à Paris, elle est comment? Elle te paraît très vivace? La scène, on y a goûté pour la fête de la musique, pour quelques petits festivals avant. Comme je te disais, là c'est surtout du bouche à oreille puisque bon, on n'est pas très très médiatisé, c'est normal, on commence, on va pas aller plus vite que la musique non plus. Donc pour ça, du coup, on a tâté quelques petits concerts avec, je sais pas, 100-200 personnes. Et ouais, mais ça va. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Hein. Et après, bon, c'était des avis d'amis autour, mais il paraît que ça sonne. En tout cas, on va t'écouter, même si t'as pas ta basse, t'essaieras de jouer avec ta gratte. Pas de souci, même avec la voix cassée. On attend également un autre artiste qui nous vient de Nouvelle-Calédonie. Apparemment, on l'a pas trouvé autour de la Plaza Real. On va refaire un appel. On a deux collègues. Est-ce que vous pouvez les rejeter un petit coup d'œil? Hein? Voilà. Ouais. Puis il y a d'autres artistes dans la rue. On va se faire une petite jam session. Allez, c'est parti comme ça. Hein, tu sais, Fernando. Ici, on improvise pas mal. Les Icos aussi. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. La technique. La banda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Ça fait plaisir, ça. C'est qui? C'est ton petit cousin? Oui, je sais pas, mais c'est un petit enfant qui est passé par ici, par la radio, parce que c'est libre, ça. On peut rentrer, on peut sortir comme on veut. Et il a enregistré cette petite jingle-là pour la radio, que j'aime bien. Comme tu dis, même casser la croûte, faire son pique-nique après l'émission, en regardant les palmiers, putain de belle vue de la plaza. C'est de la balle. Bah écoute, on va renvoyer nos ménestrels colporteurs qui vont essayer de nous récupérer, notre collègue Laurent aussi, qui s'appelle un autre Lolo, qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, qui lui aussi fait ses propres compos. Écoute, en espérant qu'il se soit pas perdu, hein, rendez-vous à la fontaine comme d'habitude. Oui, on peut écouter un petit morceau. Ouais, bah allons-y. C'est quoi qu'on a maintenant? C'est Gulamaska. Ah voilà, Gulamaska. On reviendra là-dessus après Fernando, puisqu'ils sont venus jouer au Fiesta Alternativas de Sants, et c'était juste il y a 2-3 jours. Encore un petit peu de ska. Yeah. repliques, Catalunya en peligrosa de Perpinyà a Tortos. Ja han picat una frontera, es Catalunya no té frontera. Es Catalunya és rabiosa de Perpinyà a Tortos. Escàs, escàs, escàs, Catalunya. Escàs, escàs, escàs, Catalunya. Escàs, escàs, escàs, Catalunya. Escàs, escàs, escàs, Catalunya. Ça c'était un très bon choix également, Fernando. Ça a enchaîné sur du bon quepon des familles. Ça, c'est un CD qu'on a du festival antifasciste de Genève à l'usine qui a lieu tous les ans. Alors là, le rendez-vous immanquable. En plus, pour 20 euros, il vous file la compile. C'est assez incroyable. Tiens, on nous appelle là. Ça doit être notre ami qu'on compte sur lui. Bah écoute, Fernando. Ma foi, on va laisser notre collègue Alexis arriver avec sa guitare. D'accord, et on va faire un petit des musiques en direct pour tout le monde, parce que sur les gravachos, il y a toujours de la musique en direct. Et c'est ça que c'est une des choses les plus sympas de cette émission, la musique en direct pour tout le monde. Eh, vive le live, il est en train de se chauffer derrière Alexis, là. Oui, effectivement, ça va partir en bon vieux petit reggae raga des familles, avec ses propres compos personnels. Je vais aller le chercher là, il est juste derrière. D'accord. Puisque on a une salle de répète en plus de l'autre studio. Allez, c'est parti, Fernando. Let's go. Je vais aller le choper. Il est là et on attend toujours notre collègue de Nouvelle-Calédonie qui ne saurait tarder. Vas-y, vas-y. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Yeah! Ah bah ouais, Et ça s'est chauffé. Moi, je crois qu'il a pas la voix cassée, en fait. Hein. Il a pas la voix cassée, quand même. On va bouger un tout petit peu les micros. On va en rajouter un autre. Ça, c'est la technique en direct. Hein, ouais, c'est la bonne technique en direct. Parce que Contrabanda, c'est un radio artisanal, en plus. C'est pas un radio commercial où tout le monde est prêt. Il y a des techniciens. Il y a 30 personnes dans le studio. Non, c'est un tout petit radio qu'on fait, nous. Et ouais. Il y a normaux qui se baladent dans la route de Barcelone. On est super polyvalent, quoi. C'est dingue. C'est dingue, on est vraiment polyvalent, mais enfin bon, heureusement que j'ai délégué la technique quand même, hein. Fernando, merci d'être là, parce qu'effectivement, je l'avais assuré une fois avec l'arrivée des touffes chrétiennes qui étaient venues. Ah, c'était marrant, mais complètement, alors là, moi je suis perdu dans tous les boutons, là. Il va falloir que je revienne en formation, tu vas me donner un petit cours particulier, mais oui. Sans tarder. Bon écoute, Alexis, entre deux gorgées de bière et deux, trois feuilles qui traînent, eh ben écoute, on va t'écouter, vive le reggae, explique-nous alors, c'est quoi ? Commencer parce que c'est vraiment un coup de cœur. J'aimerais jouer une petite chanson de Raspy Gauss. Bah, est-ce que c'est possible? Alors, on te le permet. Aucun problème ici, c'est la liberté, c'est interdire, juste. Exactement. Pour nos auditeurs, ça va bien leur faire plaisir. On nous écoute du côté de Marseille. J'espère. Je crois qu'il y a une radio qui s'appelle Radio Grenouille par là-bas, qui traîne. Je sais pas, dans le même style que nous, un peu alternative. Petite dédicace pour eux, puisque Raspy Gauss, Marseille, la ville du soleil, dis-nous le titre. Raspy Gauss, bon, c'est Vitrolles, c'est un petit mix entre la version acoustique qu'ils avaient fait et l'autre version qui n'est beaucoup moins acoustique. Pour tous les Marseillais qui m'écoutent, c'est vrai que je vais pas avoir l'accent. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour retranscrire la vérité qu'arrive à donner Lio, donc le chanteur de Raspy Gauss, qui est... C'est de la balle. C'est de la balle. Bah écoute, même si t'as pas l'accent marseillais, Marseille, eh bah, on est parti, allez. C'est parti. Let's go. Bien tranquille bercé sur fond de reggae, la cause antimigre reprend des airs de tube de l'été. Comme la cigale toute l'année, nous avons chanté, dansé, fait la fête du mieux qu'on pouvait. Mais à la sortie du concert, la réalité est dure. Il semble que notre combat soit bloqué entre les quatre murs de cette salle, où souvent nous nous réunissons pour faire la fête dans de bonnes intentions. Mais le bilan du côté de Vitrolles est le même. Rien n'a changé à la mairie, toujours le même emblème. Notre chanson est allée aux quatre coins de la France. Elle n'est pas allée dans l'endroit le plus malsain de Provence. C'est ainsi et malgré nos refrains, le Front National croise encore notre chemin. Quelques années après, ce mafioso et cette folle se payent un weed-up sur la mairie de Vitrolles. Qu'ils y restent ou qu'ils s'en aillent, les Vitrolles les choisiront. Mais qu'une chose s'entende, au cœur de la passion, aussi minime soit l'impact de nos chansons, jusqu'à la fin nous les chanterons. Ouliep, ouliep, j'en appelle à la banderole. Ouliep, manifestons, nous avons les Vitrolles. Ouliep, ouliep, j'en appelle à la banderole. Ouliep, manifestons, nous avons les Vitrolles. Incondémol, incondémol, incondémol, incondémol. Car il est un microbe qui ne cessera de progresser, un virus ignoble qui paralyse les gens et leurs idées. Certains un peu aveuglés et n'ayant pas l'esprit précoce croyaient va venir l'appel, attendaient d'un appétit féroce. Regardez-les, ils ont encore la bouche ouverte, ils attendront longtemps avant la triste découverte. Certains n'amènent rien, ne changent rien, mais font leur possible. Si d'autres sont filous, en tout cas, ils laissent les gens paisibles. Que voulez-vous que fasse un mafiosi et une folle? Qu'on se le dise, c'est pas eux qui rendront belle Vitrolles. Réagissons, il faut faire opposition. Réagissons, n'agissons plus comme des moutons. Réagissons, il faut faire opposition. Réagissons, bidi bim bam bam bam. Ouliep, ouliep, j'en appelle à la banderole. Ouliep, manifestons, nous avons les Vitrolles. Ouliep, ouliep, j'en appelle à la banderole. Ouliep, manifestons, nous avons les Vitrolles. Incondémol, incondémol, Toute la journée comme des novices, sachez user du hashish avec plaisir et malice. Ce serait bien dommage pour tous les planteurs de graines si c'était le qui monte au pouvoir. Une chose sera sûre et certaine, vous n'en verrez plus la couleur, vous n'en sentirez plus l'odeur. C'est la police qui fumera tous vos durs mois de labeur. Car pour l'instant, le peu de liberté volatile qu'on défend contre leurs idées hostiles sera englouti demain par une violence rare, par le Front National, par Le Pen et ses idées barbares. Mais qu'une chose soit claire à l'oreille de ces bâtards, nous sommes de gros bavards, de gros rentards, ça nous rend hilarants. Ils peuvent prendre le monde, ils n'auront jamais nos guitares. Entre nous et c'est fou, on n'est pas proche par hasard. Ouliep, Ouliep, j'en appelle à la banderole. Ouliep, manifesté, on nous a voulu vitrole. Ouliep, Ouliep, j'en appelle à la banderole. Ouliep, manifesté, on nous a voulu vitrole. Un con des morts. Un con des morts. Oh, oh, oh. Alors là, on peut applaudir, on peut gueuler, wouhou! Parce que, non, très bonne version, hein, faut le souligner. Ouais, un morceau trop émouvant. Non et puis trop d'actualité, trop vrai, et malheureusement, ouais, comme on dit, toujours d'actualité. Explique-nous, Alexis, ils jouent toujours les Raspigaus? Ah, ils jouent toujours, je les ai vus en juin à Paris, c'est le meilleur concert de ma vie. Ah, sincèrement, ça t'a touché au cœur. Ah, complètement. Dans une petite salle qui s'appelle la Maroquinerie à Paris. Je sais pas, il devait y avoir 150-200 personnes grand maximum. On leur a fait faire 2-3 rappels à la fin. Ils savaient même plus quoi jouer. Ils voulaient pas partir, on le voyait. On voulait pas partir non plus. T'as pété les plombs, quoi. T'as fait un slam de la scène. T'as gueulé. Ah, pas moi, mais ici, pas moi, Autre, voilà, oh, ah, putain. Exactement. Mais c'était vraiment. C'est Raspigaus, voilà. Voilà, Raspigaus qui nous viennent de Marseille et qu'on aimerait bien venir voir jouer ici aussi à Barcelone. Ils sont beaucoup, ils sont combien? Presque 15 dans la formation. Ils sont moins que ça maintenant, il doit y avoir deux guitaristes, un bassiste, un batteur, un chanteur, deux chœurs, un trompettiste et un tromboniste. J'ai pas compris. C'est déjà pas mal. Peut-être une petite dizaine de personnes. Ouais. Ah, c'est clair, Raspigaus. Qui joue toujours, hein, ça fait longtemps, ça fait combien de temps qu'ils sont dans le secteur? Ça fait presque une dizaine d'années. Ouais, hein. Carrément. Donc Raspigaus, on va t'écouter peut-être une compo personnelle dans l'immédiat. Une compo perso dans l'immédiat en plus. Okay. Ah bah écoute, comme tu veux, hein, ou bien on peut parler un petit peu de ton groupe. Alors explique-nous, on va te laisser prendre une petite goulée de ta bière. Y a quoi alors? Vous êtes combien dans ta formation qui s'appelle, on le rappelle, de Route en Route? On est 8. 8, donc ça fait un batteur, un bassiste, un guitariste, un trompettiste, un saxophoniste, un clavier, oh et vache. Deux chanteurs, enfin une chanteuse et un chanteur. Toute la semaine, une chanteuse, alors, qui doit avoir un charme incroyable, j'imagine. Hein. T'imagines parfaitement. non, mais c'est souvent ça. Soit elles jouent de la basse, soit elles chantent, et elles sont souvent jolies, hein, les demoiselles dans la musique. Alors, tes projets dans l'immédiat, toi, tu veux faire quoi? Vous avez des projets de première partie avec d'autres groupes? Bah, en fait, là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la période creuse, puisque on est tous partis deux mois à droite, à gauche en vacances. Bah ouais, carrément, t'es là d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, Barcelone? Je suis là, parce que j'avais envie de changer d'air. Mais il faut travailler pour la musique, ça vient pas comme ça. Je suis d'accord, mais il faut faire des pauses. Et non, il faut prendre l'inspiration, surtout. Et l'air de Barcelone, c'est bien pour s'inspirer. Je vais faire un tour à Barcelone, je rencontre des musiciens tous les soirs. C'est comme ça qu'on avance, c'est en rencontrant le monde. Et puis il prend sa gratte au lieu de sa basse, c'est pas énorme ça? Ouais, bon, c'est parce que la basse acoustique, il faut vraiment qu'elle soit ou parfaite ou que tu aies un petit ampli avec, sinon ça rend. Ah ouais, sinon t'entends rien. Tout seul, tu peux pas te faire plaisir avec une basse acoustique, c'est le problème. Et c'est la première fois à Barcelone alors ou c'est... Ouais, j'y suis passé l'année dernière pendant les embouteillages, mais c'était trop gros pour moi, j'ai fait que passer. Et là, c'est la première fois que je passe autant de temps, ouais, même en Espagne. Ça fait 2 mois que je suis ici et c'est génial. 2 mois quand même. Ouais. Et c'est bientôt le retour à Paris. C'est bientôt ce que tu le disais. Retour, malheureusement. Ouais. Malheureusement, je repars aux alentours du 3 ou du 4. D'accord. Et donc avec tes potes, alors à la rentrée, vous allez recomposer? On va reprendre tout ce qu'on a commencé et puis on va continuer plus régulièrement, plus sérieusement, pour pourquoi pas faire comme un cours de route, sans cours de route, le groupe qui devait venir ce soir. Ouais, alors ça, t'as raison de le souligner, puisque effectivement, on s'est rencontré un peu dans la Mecque, le temple des Icos au mariachi. Le mariachi. Le bon, on mariachi. Peut pas donner le nom parce que bon, c'est vrai que pour la musique ou pour rencontrer des demoiselles ou pour picoler aussi, Fernando, parce que je te vois souvent bourré là-bas. Hein. Enfin, bon. Moi, bourré, mais jamais. Jamais. Jamais. Bon, t'as raison. Ça, c'est faux. Non, c'est l'inverse, faut dire alors. Bon, ouais, bourré, t'as raison. Ok. Et donc, alors effectivement, on s'est rencontrés ce soir-là. Il y avait un groupe. Alors ça, c'est marrant parce qu'il s'appelle plus ou moins comme vous, quoi. Toi, c'est des deux routes en route. Le jeu de mots avec route. Voilà. Et eux, c'est en cours de route. Voilà. Route et compagnie, quoi. Voilà, alors ça, effectivement, on comptait sur eux. Je les ai appelés tout à l'heure et ils sont déjà arrivés à Perpignan et ils pensaient rester plus longtemps. Alors ils auraient foutu le feu, effectivement. Ah, ils étaient excellents. Un mariachi, ils étaient excellents. Qu'est-ce à reprendre à gauche à droite de la rue Caetano, des Abdo Barbac. Ils étaient vraiment très très bons. Ils auraient retourné le studio, d'ailleurs on ne sait même pas où on les aurait foutus parce qu'ils ouais, sont combien 5 ou 6 en plus. Et puis ouais, en plus il y avait des groupies qui les suivaient. Ouais, des Allemandes qui les suivaient depuis le sud de la France. Sympathique. Ouais, bah, c'est génial. Non, mais je reviens sur ce groupe-là, eux ils se sont dit on se lance, on part je ne sais pas combien de temps en vacances avec tout le groupe. Des mecs de La Rochelle, hein. Ouais, et on va jouer dans la rue, on va faire des spectacles de rue. Et ils ont cassé la baraque sur tout le chemin pour venir en Espagne. Ils ont eu du succès de A à Z. Enfin, ils ont surtout flippé aussi de pas pouvoir jouer dans la rue et de se retrouver enfermés dans le bunker ici, du mariachi pour pouvoir jouer. Ouais. Malheureusement, quand même, parce que ils disaient mince, on pensait pouvoir jouer, mais non. Puisque eux aussi. Mais oui, on a parlé déjà. Et Barcelone, ça bientôt, la nuit c'est fini, comme à Paris. Donc, comme tu dis, Fernando, ben. Malheureusement, ils auraient dû être des nôtres, ils sont rentrés plus tôt. Mais bon, voilà, hein, Perpignan, c'est pas loin, l'ex-capitale historique de Catalogne, quand même. Hein, on reste en Catalogne. Ah, on voit que tu as fait l'immersion de la culture catalane. Perpignan. Ah ouais, d'ailleurs, on va reparler de tes livres, parce que tu dois avoir du livre catalan qui a été traduit, non? C'est pas ça? Oui, on a publié un manifeste contre le prologo. Alors c'est prologo, quoi, c'est l'introduction que tu fais pour un bouquin. Bon, je sais pas. Ouais. C'est d'accord. Pas grave. Mais on a fait un petit bouquin que vous trouvez dans les bars de Barcelone. Dans les bars de, et on les voit partout. Il faut boire un bière et acheter des petits bouquins. Les bouquins. Donc, effectivement, Fernando, lui, qui contribue également à traduire. Des bouquins alternatifs ou anarcho et compagnie. Et d'ailleurs, tu nous avais parlé d'un projet de traduire des bouquins en français. C'est bien ça, non? Ouais, on voulait faire une édition bilingue. Et là, moi, je suis en train de travailler sur un bouquin publié en français. C'est un Hollandais qui l'a écrit, en fait. Mais c'est publié à Paris par des éditions antisociales. Eh, ouais. Un peu comme ça. Et c'est un bouquin sur l'incendie de Reichstag. C'est quand Hitler est arrivé au pouvoir, il y a un Hollandais qui est parti en Allemagne, il a pété les plombs, il a dit putain c'est merde, c'est impossible qu'on laisse passer cette connard. Il a boulé directement les palais de c'était le Reichstag, c'était les palais, comment on dit. Oh, et t'es historien, hein, Fernando. Non mais c'est sympa parce que voilà, on fait des parallélismes sur ça, tu vois, parce que c'est un petit attentat terroriste qui a fait monter la popularité de Hitler. Et apparemment, cet homme, il était réussi à faire un petit feu à l'intérieur du palais. Mais Hitler, il a bien compris que c'était une bonne opportunité. Donc, ils ont mis le feu partout et c'était un incendie énorme en plein centre-ville, en plein centre de Berlin. D'accord. Donc, ça fait peur les gens. Et voilà, quand les gens, ils ont peur, ils ont envie de sécurité, ils ont envie d'avoir un pouvoir fort. Et c'est comme ça que ça a grimpé la popularité de Hitler, qui était voté aux élections. On peut dire comment ça peut arriver avec Sarkozy et des gens comme ça. En tout cas, très bonne parenthèse. On aurait même pu mettre là, le disque des Bérus, Vive le feu, mais bon, on l'a pas, ça fait rien. Et on va repartir sur la guitare d'Alexis et ses compos personnels. On devait en parler de tes bouquins, c'est clair, Fernando, parce que franchement, ils sont vraiment omniprésents partout. Hein, on les voit partout, ces fameux bouquins à 3 euros. J'ai pu écrire un guide alternatif de bar de Barcelone aussi avec l'histoire du bouquin. Alors ça, c'est un très bon projet, Fernando. On verra ça dans le futur. Exactement. Et on va écouter Alexis parce que, effectivement, comment dire, notre invité qui devait venir directement de Nouvelle-Calédonie, hein, quand même, hein, il faut le souligner. Je sais pas, il a peut-être. C'est loin, hein, Nouvelle-Calédonie pour arriver. Mais, c'est normal qu'il arrive en retard. Il a peut-être coupé son avion, le fameux Laurent, ma foi, d'un groupe qui s'appelle Violette. Et ben voilà, bah écoute, Contrabanda, c'est du live, c'est en direct, quand on n'est pas là au rendez-vous à la fontaine, et ben on y retourne, mais quand il n'y a plus personne, là il n'y a pas jamais 203, on se déplace plus. Mais il faut le dire que ça arrive, on a récupéré du Zikos, d'autres français, hein, du Gabacho, un Melodica, ça va finir en bœuf, l'émission. Ah ouais, ouais, jam session, hein, tu vois, il y a la jam session juste à côté, la Jamboree, pas besoin d'aller loin, ça se passe ici. Contrabanda, c'est clair, avec les Gabacho. Donc, bah, ma foi, il y a Alexis qui est en train de réaccorder sa guitare, j'allais dire, j'accorde ma basse, mais non. et donc ça va finir Melodica, c'est bien ça. Tiens, on va t'écouter deux secondes. Tiens, on va remonter un petit peu le micro, vite fait. Comment tu t'appelles? On t'a trouvé à Plaza Real, c'est ça? Attends, on t'a pas entendu. Attends. Que tu parles, ouais, au micro, on va sinon t'écouter mon vraiment petit Philippe, dans le micro. Bah, c'est la banlieue de Paris, Saint-Germain. Ouais. D'accord. Et tu t'appelles C'est Philippe. Philippe, d'accord, Philippe. Et donc toi, tu fais de la zik aussi dans la rue, puisque comme disait Alexis, on rencontre un paquet de zikos tous les soirs dans le quartier. Ouais. Alors tu fais quoi exactement Je sais pas, moi je joue un peu de tout. Je joue dans la rue, je joue de la guitare et du mélodica. Après, je joue de la basse en groupe avec mon groupe de ska, et puis voilà. Et puis voilà, bah, c'est pas mal de ça. Hein. C'est clair. Et puis voilà, là t'es tranquille à rouler ton spliff peinard. Bah, non mais c'est clair. Avant de fumer, comment dire, fumer. J'allais dire souffler dans le mélodica. Et bah voilà, ça y est, la guitare est accordée. Let's go Alexis. On remet le micro, pas très loin. C'est parti. Donc cette chanson là, ça s'appelle I Like. I like. To move it ou. Non, rien à voir. De quoi? I like to move it. Ouais, bon, tu vas voir. Tu blagues au passage à deux balles. Non, mais c'est. Bon, c'est encore pas moi qui l'ai écrit. Hein. J'ai écrit très peu de chansons de ce qu'on joue. C'est le trompettiste Pierrot d'ailleurs à qui je passe le bonjour parce que lui, il n'est pas venu jusqu'en Espagne. Bah écoute, il doit nous écouter. Ça me paraît évident. Ça me paraît presque évident. Je veux dire, qui n'écoute pas Les Gabacho sur Contrabanda. Redis-nous l'adresse internet, Fernando, déjà. C'est www.contrabanda.org. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui habitent Barcelone, des fois, c'est mieux d'écouter sur internet parce que le son est meilleur que sur la FM. Bon, ça dépend. Là, ça marche bien. Vrai, ça marche bien. Ça marche bien sur les 94.1. T'as raison. Fernando, en plus, je vais pas critiquer la technique ce soir, quand même. Ouais, mais hein. Non, justement. Ça n'a pas merdé. Les micros, ils sont laissés ouverts. Ils sont écoutés quand on était en off, mais c'est pas grave. Hein, c'est la vie de la mission. C'est génial. Les coulisses, ils ont pu entendre les coulisses. Ouais, quand tu as pété, ils sont tout. Ça fait franchement plaisir. Bon Alexis, on est reparti. On the road. De route en route. Smoking weed, I like reggae's massive. I like good vibration. I like c'est le son de la purification. I like smoking weed, like reggae's massive. I like good vibration. I like c'est le son de la purification. Dans ma tête, dans ma musique, dans ma planète, c'est la fête. Il y a des gens pas toujours nets, mais arrête. Accepte la différence, c'est le rythme de la dénonce qui défonce la démence. Sincère, il faut la cultiver. Sincère, la consommer. Sincère, de France ou de Guinée, merci, c'est pour mieux méditer. I like smoking weed. I like reggae's massive. I like good vibration. I like c'est le son de la purification. I like smoking weed. I like reggae's massive. I like good vibration. I like c'est le son de la purification. Écoute man, la solution c'est rébellion. Plus de prison pour une simple consommation. Fais attention à ceux qui parlent de faire le mal. Pas de choc brutal ou la prison sera fatale. Rude boy, bad boy, plein de larmes dans les yeux. Bad boy, Sors du ghetto, tu verras l'extérieur, c'est bien plus beau. I like smoking weed. I like reggae's massive. I like good vibration. I like, c'est le son de la purification. I like smoking weed. I like reggae's massive. I like good vibration. I like, c'est le son de la purification. Bobby Bomb, ma cloche se perche sur la corde raide. Dead, dead, je ne sais quel démon te possède. Dead, dead, je ne peux pas te venir en aide. Pour toutes les vies que tu as pris, il faut que tu regrettes. Bobby Bomb, ma cloche se perche sur la corde raide. Dead, dead, je ne sais quel démon te possède. Dead, dead, je ne peux pas te venir en aide. Pour toutes les vies que tu as pris, il faut que tu regrettes. I like smoking weed. I like reggae's massive. I like good vibration. I like, c'est le son de la purification. Wouhou! Contrabanda FM 91. Bon vieux reggae, il y a des familles, ça fait plaisir, hein, Fernando. En plus, un reggae pour la légalisation, non? Donc, Non, bien engagé la chanson, c'est clair. Eh ben écoute, Alexis, t'es plus tout seul. Et en plus, il y a d'autres invités, là, les gaziers du quartier avec leur mélodica et compagnie. On a Laurent qui vient d'arriver, effectivement. Hein, ça y est, son avion, et c'était OK. Il est arrivé un peu en retard, un peu à la bourre. Tiens, attends, tu vas te rapprocher du micro. Et il nous vient tout droit de Nouvelle-Calédonie. Alors là... Ah, bah écoute, on a plein de Parisiens avec nous ce soir. Eh, il n'y a que ça. Bah, bienvenue au club. Enfin, moi, je suis breton. Hein. Je ne suis pas dans le même lot, il n'y a pas de souci. Mais donc, alors explique-nous, tu fais de la guitare, tes propres compos, tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Violette, c'est bien ça? J'avais déjà composé des trucs et tout, et je suis arrivé à Paris il y a un an. Et en gros, j'ai croisé des gars qui étaient un peu dans le même délire que moi, et voilà quoi, je leur ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse de la zik ensemble, voilà quoi. C'est... Ouais, les rencontres quoi. Ouais, voilà, enfin, disons qu'on était un peu dans le délire rock et tout, et les gars, enfin, je leur ai dit, ouais, j'ai des compos, et ils m'ont dit, ouais, on aime bien ce que tu fais, voilà. On est parti là-dedans, et on a fait un scud quoi. C'est comme ça que ça marche. Ah ouais, t'as fait un CD, sympa ouais. Quoi. Bon souvenir, enfin, en tout cas, c'est clair. Ouais, vous avez marqué d'une pierre l'histoire de la musique, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, puisque t'as un CD, explique-moi un peu le style. Alors tu dis rock, ça veut dire quoi? Ben c'est c'est rock français quoi. Je pourrais pas te dire, c'est un peu compliqué. Quelles influences, par exemple, toi, tes influences, ça venir d'où? Ce serait plutôt genre Nirvana, Pixies, tout ça. C'est vachement vaste. Là, je te donne les trucs. Pixies qui rejouent d'ailleurs, hein, quand on jouait. Alors t'as été faire un petit tour, tu devais en concert ou? Ah non, c'est dommage. Non, je les ai jamais vus et d'ailleurs pourtant j'aurais bien voulu les voir. C'est clair, référence, d'ailleurs, bonne référence comme influence. Et donc, alors là, t'es toujours comme Alexis, pareil, en vacances, Barcelone, tranquille, on va recomposer bientôt à la rentrée. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, disons que, ouais, on va dire que je suis... Ah, t'as l'air enthousiasmé, quoi. On va faire tout pour l'éclate, mais je veux dire, voilà, je suis un peu... Je bosse, et puis en même temps... Voilà quoi, je passe ici comme je passe dans d'autres coins quoi. C'est, j'aime bien bouger quoi, j'aime pas rester dans un coin. Et donc avec tes collègues, vous bougez justement ensemble ou toi t'es un peu à part, des fois tu les rejoins, c'est électron libre ou comment ça se passe? Vous faites des concerts à Paname ou... Ouais, on a fait 2-3 trucs vite fait, mais bon, c'était des petites. Enfin, c'était même pas des scènes quoi, on a joué à l'arrache, un gars qui nous a proposé de jouer vite fait, mais. Ouais, non, je suis un peu électron libre par rapport à eux. Eux, ils ont leur groupe déjà, et puis bah voilà, on a fait un groupe à nous quoi. D'accord. Donc toi, t'es venu poser ton instrument, mais vous avez un CD, mais vous jouez pas vraiment pour l'instant, du moins quoi. Ah si, on joue, tu vois. On est, ben en fait, c'est que ben voilà, moi quand je suis toujours un peu à pas mal bouger quoi. Et donc ouais, dès que je rentre sur Paname, je les croise et puis voilà, on joue ensemble. Ouais, parce que justement, la musique pour bouger, il y a rien de tel, il y a rien de mieux. Même, tu vois, partir en tournée, admettons, venir jouer à Barcelone ou ailleurs, c'est un très bon moyen de voyager. Du moins, tu seras pas tout seul, quoi. Ouais, mais bon. Carrément. Mais je rencontre pas mal de gens, c'est ça qui est bien. J'espère bien. Partout, tu rencontres des gens et tu rencontres plein de gens qui t'apprennent plein de choses. Et c'est ça qui est bien dans le voyage. Et puis, bon, je ne veux pas dire que tout seul c'est mieux, mais des fois, il y a moyen de plus rencontrer, enfin, je sais pas, peut-être pas plus rencontrer du monde, mais tu vois, genre, je sais pas, c'est. Tu vois, tu vas où tu veux, tu rencontres des voilà quoi. Un paquet de zikos, comme nos collègues de la rue. Moi, comme j'aime bien parler, il faut que j'en parle. Tu vois, au bout d'un moment, tu passes un jour ou deux jours sans parler, j'explose. Et voilà, là, tu te rapproches de quelqu'un et tu lui dis bonjour. C'est comme ça que j'ai appris le français, parce que j'ai sorti à Montpellier, je parlais pas un mot de français, je connaissais pas grand monde à part de ma copine, et voilà, c'est. Ça commence et ça vient petit à petit, la langue. On s'écouterait une chanson sur le métro parisien, là, qu'on écoutait avec des collègues hier, là, qui reflète bien un petit peu l'atmosphère, l'osmose là-bas. Donc, je reviens avec toi, Laurent. T'as pris la guitare en Nouvelle-Calédonie. Comment ça se passe? Ça va? Il y a plein de musiciens pour justement se rencontrer, tout ça? Il y a pas mal de zikos, mais il y a un espèce de fossé entre deux communautés. T'as la communauté kanak d'un côté qui fait du reggae, du kaneka, et t'as la communauté, on va dire, blanche, tu vois, qui fait plus du. Bon, c'est certains qui font du reggae, mais bon, c'est plutôt typé rock, tout ça. C'était un peu chiant. Ça se mélange pas trop, tu veux dire, les kanaks dans leur coin et puis un peu les francophones de là-bas, rien à voir avec la tribu. Ça dépend, tu vois, c'est pas tout blanc ou tout noir, comme partout, mais je veux dire, c'est vrai que d'un certain côté, tu vois, il n'y a pas trop de mélange. Donc, j'ai des potes kanaks, mais c'est vrai que chacun dans son trip et tout. J'avais des super potes et c'est clair que bon. Et la musique, c'est pas justement un lieu de rencontre, ça se passe de deux côtés aussi. C'est peut-être fermé là-bas, les kanaks, je sais pas. C'est un peu spécial, tu sais, il y a l'histoire et tout qui fait que. Bon, voilà, mais il y a une très belle musique dans la Nouvelle-Calédonie, une très belle musique traditionnelle. Le kaneka. Et le kaneka avec un mélangé au reggae, tu vois, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et j'ai des potes, j'ai rencontré des gars comme ça parce que je me suis intéressé à ça et ils m'ont fait découvrir des trucs vraiment bien, quoi. C'est quoi, c'est une musique? Alors, ça t'a peut-être donné des influences. Explique-nous la musique traditionnelle. Il y a quoi comme instrument en Nouvelle-Calédonie? En fait, il n'y avait pas d'instrument au départ. C'était vraiment de la percu, tu vois, pure et dure, puis des danses, tu vois. Et c'était un rythme particulier que je pourrais pas expliquer comme ça, j'arriverai pas, quoi. Mais sinon, après, il s'est rajouté du reggae là-dessus, plein d'influences, même des influences rock, tu vois. Et voilà, les mecs, ça peut donner, quoi. Ah, ça peut donner. Un petit mélange. Bah écoute, là, je te vois tout seul sans ta gratte, t'es venu avec ton instrument, quoi. Ah non. T'as zappé. Ah bah écoute, on a une guitare, Alexis, forcément. Elle est venue avec sa guitare, enfin heureusement, parce que si tout le monde vient sans ses instruments. Ah si, on a récupéré un mélodica. C'était pas prévu, ça. D'accord. Donc, on va s'en sortir. Allez, c'est parti, on t'écoute, justement. Tes petites compos, qu'est-ce que tu vas nous jouer à l'instant? Bah, vas-y, fais ta place. Attends. Je te fais une chanson en espagnol? Ah bah, vas-y, et puis, comme tu disais, comment tu t'appelles? Tiens, parle bien en face. Bonsoir. Ils sont nés à deux collègues, c'est ça? Ouais. En fait, on s'est rencontrés il y a environ 10 minutes sur la place. Ah, c'est énorme. Chercher des musiciens... Moi-même, je suis musicien à Paris. D'accord. Alors toi, tu fais quoi? Dis-nous ton prénom. Je m'appelle Nicky de Miller. Tu m'as dit? Nicky de Miller. Nicky de Miller, c'est quoi? C'est ton pseudo ou c'est le nom de ton groupe? C'est pour ça que je me fais appeler mon groupe. On a un groupe à Paris, ça s'appelle Les Brats. Les Brats. Donc c'est quoi? C'est un peu Rude Boys, je te vois, avec un t-shirt Fred Perry et compagnie. Ah non, on n'est pas des Rude Boys, on n'est pas des méchants. On fait du rock, quoi, des chansons rock en français. D'accord. Influencées par les Stooges, comme par Edith Piaf. Comme par Edith Piaf. On passe de d'un style à un autre. Il y a un peu de Bourville, il y a quelque chose d'autre là-dedans, il y a quoi. Edith Piaf qui chante sur les Stooges. Je vois bien Edith Piaf faire le gars des Stooges sur scène. Bon bah, les gaziers là, ça va partir en impro, c'est bien ça, mélodica, allons-y. Ouais, moi je suis le mélodica. Bon ben écoute, c'est un truc en mi, c'est pas trop compliqué, je vais essayer de. Allons-y les gaziers, allons-y. Ça a l'air de ressembler à du flamenco, ça. Hein. Flamenco mélodica. Un petit peu. Allons-y. A los 13 años, Mis padres no tenían pesos. Bueno, salimos de España para descubrir Francia. Mi padre fue anarquista. No le gustaba la policía. Thank you. rojo de la quiebra. Hijo de la quiebra. Oh là là, mais c'est une bonne surprise, hein. J'avais pas dit que tu allais chanter en castellan, c'est quoi? Ah, c'est énorme, c'est énorme, il se passe des choses incroyables dans le studio. Ouais, tu nous parles de l'influence de Nirvana, machin, après on dirait que c'est Léo Ferré avec Paco Ibáñez qui est venu pour jouer dans l'émission, non, c'est pas vrai ça. Ah, et puis on nous parlait, là, l'homme au Mélodica qui nous parlait d'Edith Piaf et tout, non mais enfin, c'est magique quoi, encore un grand moment de la musique française, mais surtout espagnole. Ouais, je sais pas si tu as envie de traduire un peu les paroles, parce que moi j'ai compris forcément, mais je sais pas si tous les gens qui écoutent l'émission, ils sont compris, parce que je te pose juste une question, c'est biographique, c'est vrai ou c'est... Non, c'est une histoire totalement inventée, mais en fait je l'ai lu dans un livre et ça m'a... Enfin, je sais plus ce que c'était, j'étais gamin et ça m'a... Bah, je sais pas pourquoi j'ai écrit là-dessus d'ailleurs, même pas... Et écoute, en plus, Fernando, il y a les Catalans qui nous écoutent pour apprendre le français et là, ils comprennent plus rien, ils entendent du castellano. Mais ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Mais tant mieux. En plus, on parle des anarchistes, machin. C'est énorme. Alors, écoute, il y a Alexis qui a un petit rendez-vous, là, et qui va nous laisser. Et il nous fait, l'honneur de nous laisser sa guitare pour que ça enchaîne, puisqu'on a notre collègue, là, au t-shirt bleu, là. Je t'ai vu faire de la guitare là, à côté de la fontaine. Ça va enchaîner puisque vous êtes habitués à jouer tous les deux. Hein, c'est bien ça. Non, bah je vous ai vu tous les deux jouer en tout cas. Mais c'est comme tu disais à l'instant, ça fait 10 minutes que vous connaissez et c'est assez incroyable parce que voilà la gueule de l'impro quoi. Franchement, ah ouais, bon, il y a rien à dire. Mais c'est clair que la musique c'est une langue internationale qu'on comprend si on a envie de la comprendre. Exact, c'est tout ça. Elle fait de la philosophie en plus dans notre émission. Enfin, dans notre Je parle notre langue, je deviens un poète des fois. C'est énorme. Eh ben, on va faire une petite interlude, le temps de parler des concerts, ce qui se passe. On va se voir tout à l'heure, effectivement, on va rendre la guitare à Alexis. Le rituel de chaque lundi, on finit dans un fameux troquet. Ça dépend dans quel état. Et aussi, ça dépend de quel état les gens se réveillent le vendredi, parce qu'il faut le dire, il y a une rediffusion. Hein. Vous allez pouvoir vous écouter sur le net, tout ça. Vendredi de 11h à 13h, 2h, voilà, pour revivre le live d'actuellement. Alors, on va parler un petit peu concert, on va parler un petit peu de ce qui se passe prochainement. D'accord. Hein, sur Barcelone, Fernando. Agenda de concert. Voilà, tous les concerts. On met un peu de musique de fond pour l'agenda, parce que voilà. Ouais, ah bah tiens, tu peux mettre en fond, tiens, Fernando, je vais te passer un CD, c'est d'un groupe français d'électrodub, un groupe français mais breton, Yosh, qui va passer la semaine prochaine dans les électroniques d'Obsession. Là, c'est le sixième du nom, donc Chapter 6. Yosh, du label Futadawa, tout le collectif avec Percu Baba et compagnie de Bretagne, de Rennes. Donc, il sera avec DJ Kram de Tasmaniac, très connu Tasmaniac ici à Barcelone, puisque c'est la référence, le magasin de musique et tous les DJ qui se retrouvent là-bas. Une bonne partie de français, effectivement. Donc, le côté techno se retrouve sur la place, pas très loin du Raval. C'est dans quel secteur ça va? C'est pas les noms de la place, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et puis il va y avoir une boulangerie à la française qui va s'ouvrir prochainement à côté de là-bas. Alors ça c'est un scoop, hein, c'est une info, hein, parce que les bons vieux croissants qui nous changeront leur vieux pain au chocolat pourri, et que d'ailleurs il n'y en a même pas ici. Mais bon, ça fait rien. Hein. Bon, en bref, c'est vrai que la France arrive de plus en plus ici à Barcelone. Donc Yosh qui joueront le jeudi 7 septembre. Petite dédicace à Daouya qui organise tout ça, hein, c'est vrai, très connaisseuse en la matière, attention, hein, quand on parle dub avec elle, franchement, faut avoir du répondant parce qu'elle est incollable. C'est une livre ouverte. Ah ouais, donc c'est de minuit et demi à 4h30 à la salle 2 à l'Apollo, donc 10€ avec une petite bière, une consommation, c'est cool. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, dans deux semaines, mais comme il n'y a pas d'émission, fallait en parler. Donc, avant même de parler également de la semaine prochaine, on va écouter Yosh. Effectivement, je te passe le CD tout de suite, Fernando. Alors, le numéro, on va regarder le numéro, hein, parce que ça, c'est important. On a choisi une carrément bien bourrin, comme on l'aime, la numéro 9, voilà, de leur album qu'ils ont sorti. Et Yosh, voilà, bah, ils étaient dans les découvertes des transmusicales. Et ils nous font le plaisir de venir pour la je sais pas combienième fois, enfin en tout cas la dernière ils étaient en train de jouer du côté de Sidecar sur la place Areal, hein, justement ils avaient joué ici à la même période. Voilà, donc pour dire avant le reste de la semaine que on a déjà un peu la programmation du Festival de la Mercé. Voilà, Asian Dub Foundation qui viendra jouer. Bon cadeau. Hein. Ah ouais, c'est un bon cadeau. En plus, ils viennent pour l'anniversaire. Attends, j'ai le fly qui est là. On en reparlera de la célèbre bière Estrella. Comment ne pas parler de bière à l'antenne ? Voilà, pour le 150e anniversaire, je crois. Estrella, bah écoute, ils ont programmé Asian Dub. Ça sera bien de faire les deux. Hein. Voilà, écouter de la bonne musique, une bonne petite bière. Moi, je préfère la blanche quand même, et c'est introuvable ici. Et une bonne petite cro à Barcelone. Alors là, comment trouver une cro d'Ambo ici, à part l'importer de Perpignan. Bref, ça c'est pour le délire bière, mais bon, ça fait partie du programme également. Donc voilà, Asian Dub qui seront là. Sayan Soupacrou qui était là, souviens-toi Fernando, quand il y a eu le squat au théâtre Arnaud, et ben, oui. Il jouait juste à côté à l'Apollo le même soir. C'était énorme. Et il y a Louise Attaque aussi qui font un petit retour. Ils viennent jouer à Barcelone. Voilà, quoi dire, autrement une tournée de chez Soudaka en Galicia. Et puis il y a aussi le San Miguel Jazz Festival, qui en ce moment, parlons de bière également, San Miguel. on fait de la pub pour la bière, on s'en bat les couilles, même si elles sont dégueulasses, donc c'est au Taranto, au Mouille, Jamboree, c'est cette semaine. Voilà, on en arrive pour la programmation. Écoute, aujourd'hui, à part la jam session, la Jamboree et les gens qui nous écoutent, voilà, c'était les choses à faire. Demain, il faut traîner dans les rues, je sais plus, retrouver la musique. Alors là, traîner dans les rues, ouais, exactement, bien dit, puisque bon, malgré en rasant les murs, il y en a qui prennent des risques de jouer. Il faut le souligner. Moi, ça fait 15 jours, il y avait un lundi, un putain de soirée de lundi excellent sur la place Réal, plein de monde, tout le monde assis par terre, et la police, il a pas merdé, donc ça devrait jusqu'à 4h du matin. J'étais assez surpris, j'ai dit putain que les lundis ils sont en vacances, en congé, je sais pas, ils ont pas envie de faire chier, mais ça, je me rappelle, juste avant de partir en vacances, un lundi génial, donc voilà, il faut laisser les week-ends, que c'est les jours où tout le monde sort dans la rue, il faut sortir presque tous les jours, c'est pour ça, Marcel. Ah ouais, presque tous les jours, pardon, moi j'ai mis journée de repos demain parce qu'il n'y a rien de spécial, sauf ceci dit, dans le même registre, Fernando, il y a aussi des jam sessions qui ont lieu sur la Ronda Littorale, la parallèle à Calle Ample. De l'autre côté, apparemment, il y a pas mal de Zikos qui se retrouvent le soir, peinard à côté du port. Apparemment, ça joue, il n'y a pas de souci, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, on en arrive à mercredi. Alors là, il y a du boulot à Villafranca, donc c'est en Catalogne, il y a Pirates Sound System. La balle, voilà, il joue sur des rythmes raga bien connus et il chante en catalan. Très connu ici à Barcelone. On a le Tokyo Ska Jazz Ensemble qui va jouer également, donc... voilà, donc ça c'est prochainement à la salle Apollo, ouais c'est à l'Apollo, à 21h30, donc ça, 12€, hein, voilà, 12 ou 15€. La Ciutadella Jazz in the Park, au parc de la Ciutadella, on peut écouter du jazz en direct, donc ça c'est mercredi également, et les vendredis, hein, on peut y aller toujours à la Ciutadella, et vraiment le dimanche à Boldetto en rentrant de la plage, parce que là tout le monde fait de la gratte. Ou du jonglage ou n'importe quoi, il y avait même du tango sous le kiosque hier, ouais. C'était franchement sympa. Avant il y avait des percussions aussi, mais c'est un peu interdit maintenant. ça commence, c'est dommage. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire, entre moi il y a le festival à Figueras, très bien, très connu, hein, pour être le lieu ultra artistique à l'époque, c'est près de la Dali. France, oui, même aller séjourner Serge Gainsbourg et un paquet de monde du milieu artistique, donc ça c'est jeudi 31 au Festival Acoustique d'El Mon, donc c'est à minuit 30. Vendredi ça enchaîne ma foi, pareil, Pirates Sound System qui joue à Sabadell. Il y a Pearl Jam, attention, on parlait rock, rock'n'roll et compagnie qui joue. Bon, on n'ira pas parce qu'une fois de plus, c'est trop cher et ils iront se faire foutre, c'est clair. Et 38€, 48€, et ils croient quoi là? Non. Au Palais Olympique des Badalona, mais il y aura du monde à y aller, hein, forcément, Pearl Jam. Ouais, sinon il faut essayer de rentrer sans payer. Ah tiens, t'as des bonnes combines reski, Fernando. Non, mais on peut essayer toujours. Et ça peut être un pari. Écoute, ça marche pas l'accréditation presse des contrebandes. N'y allez pas. Bon, à voir malgré tout. M Paranoia qui joue samedi à Sabadell, pareil au même festival que Pirates Sound System la veille. On a Dikalaos à El Masnou, ça c'est gratos, c'est à la plage Okata, au dernier Chiringuito. Et Desmacaradas qui joue à Santa Reina de Berga, à Vic. Vic, c'est toujours en Catalogne, c'est à quoi ouais. Une centaine de kilomètres. C'est un petit village près des Gironde. Non, pas au nord, je crois. Ouais, ouais, c'est un petit peu plus dans les terres là-bas. Entre Andorre et Barcelone, ouais. On va dire ça comme ça. Voilà, bah, y a du boulot, hein. Dimanche, allez à la plage si vous voulez, ça vaudra toujours le détour, parce que, il y a moyen de se marier. Tiens, Fernando qui me fait un petit signe, il fait chaud, hein, dans le studio. Tiens, je vais te passer une petite bière, là. Bon, écoutez, les gaziers, c'est que j'ai la guitare juste à côté de moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? On va vous écouter, hein, on va rappeler les gus, qui doivent être en train de mater la place. Qu'est-ce qu'on a pu le répéter, la belle vue? On laisse un peu de dub. Ah bah écoute, ouais, ça enchaîne sur du dub, Yosh. Et on va se quitter dans, allez, un petit quart d'heure. C'est parti, on va écouter. On sait même pas comment les appeler. Vous avez un nom d'artiste, enfin, je sais pas, c'est les icônes de la rue qui se rencontrent, c'est bien ça. Bon, les arrachés de la cahier, ça peut le faire, non? Les arrachés de la cahier. Bon, en tout cas, on va vous écouter. C'est parti, deux guitares en fait. Hein. Non, pour l'instant, une. Ah ouais, et puis ça démarre en solo. Attends, on t'entend pas parce que les micros, elle est mise pour ta guitare et la guitare, elle parlait pas. Bah en fait, la première chanson, c'est un groupe que je fais avec un ami. On fait de la guitare, on fait du manouche, influencé reggae, machin et tout, toutes nos influences musicales. Et donc voilà, je vais essayer de représenter mon ami guitariste qui n'est pas là ce soir, désolé. Donc voilà, pour l'instant, je vais jouer tout seul. Allez, on t'écoute. jazz manouche, ça fait plaisir. Oui, carrément, petit jazz manouche des familles. C'est une reprise, non? C'est ton pote qui a composé ça? On a composé à deux à peu près, genre on a composé chacun notre partie, et voilà, ça vient de tout. D'accord. Ok, donc ouais, donc ça c'est un peu un mix de vous deux. On disait que ça allait enchaîner, là deux guitares en même temps. On va vous faire un blues en là, oui. Bon. CC Rider. C'est parti. Dis comment c'est OP quand tu veux. Let's go les gaziers. You have done to me. You made me love you, but now your man is gone. You made me love you, now your man is gone. CC Rider, come on, see what you have done to me. Franchement, c'est énorme. On va se quitter. Merci les gars, franchement, pour ce côté un peu manouche. Ça enchaîne hein, complètement. On a toujours Laurent, notre guitariste de Nouvelle-Calédonie du groupe Violette, voilà, basé sur Paris. Dernière petite minute avec toi. Impro, fais ce que tu veux. Let's go. On va se quitter là-dessus. On t'a écouté. Une chanson, on termine avec toi. Ok, d'accord. Ah bah ouais, c'est bon, okay, c'est d'accord, direct, okay, c'est d'accord. Ça tourne dans les studios de Contrabanda pour les Gabachos Banda. C'était Los Gabachos. Je veux que tu me l'actions dans putain de la balle, on se guide là-dessus. Allez, les gars, macho, peut-être à la semaine prochaine, on sait pas. À voir, sinon à la rentrée d'ici 2-3 semaines. Ciao, Bello, bye. Ciao, ciao, ciao. Moi, je serai pas là la semaine prochaine, peut-être. Tu viens quand tu veux, Fernando, tu viens quand tu veux, putain de la balle. Franchement, ça fait plaisir. À bientôt, les gabachos. Wouhou! Llegó la ocho. Llegó la ocho. Llegó la ocho. Dime, papito.